quoi? Dans la lumière. Se projeter tout là-haut. Et ne plus revenir sur terre. Où se mélangent les mots. Regardez les...